Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, c'est Lost in Space, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales, diverses et variées à 21h sur les ondes du 100FM. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'émission consacrée à Bender, dont vous avez pu entendre la première partie il y a maintenant 2 semaines. On en était resté à un endroit très simple, c'est que chaque membre du groupe parlait des groupes qui l'avaient beaucoup marqué ces derniers temps. On va repartir donc avec David qui va nous parler de son coup de cœur. Mais avant ceci, je tiens à vous rappeler que si vous avez apprécié Bender, ils seront en concert avec leurs amis des Spitters le 12 octobre aux Bières du Monde. C'est situé à la Garde, vous savez, pas très loin du bowling. C'est une salle sympa, donc allez-y, il y a de la place, il y a de quoi boire. Donc, et vous aurez 2 bons concerts pour le prix d'un. Moi je suis devenu assez fan d'un groupe, un petit groupe anglais qui s'appelle Temples. Et voilà, le dernier album est excellent, Vulcano. C'est vraiment tout ce que j'aime dans la musique, avec des structures qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de rencontrer. Et voilà, il perpétue un peu le côté progressif, psyché, post-rock de la musique, donc moi je dirais Temples. Et bon, on va écouter ça. technique. Autre question, en fait, un truc qui n'a rien à voir, mais vu la différence de goût que vous pouvez avoir, comment ça se passe au niveau du songwriting ou de l'écriture? Est-ce qu'il y en a, c'est toujours le même? Est-ce que c'est un qui fait la musique, l'autre les paroles? Non, ça se passe super mal. C'est une guerre perpétuelle. En train de se dispute. C'est un gros conflit. Enfin, après, ouais, c'est... Ouais, mais on a des conflits, c'est vrai, autour de ça, mais c'est des conflits d'amis. Enfin, on est des amis et c'est des conflits qui sont au final... Voilà, parfois, ça nous tient à cœur, mais on finit toujours par trouver des compromis et pour arriver à comprendre l'idée de l'autre. Puisque c'est vrai qu'on écoute, on a quand même des influences. On a des influences communes, mais on a d'autres influences qui sont quand même très différentes. Et pour arriver à en faire quelque chose de malgré tout cohérent et qui puisse tous nous satisfaire, eh ben, on est obligé de beaucoup communiquer, on est obligé de beaucoup parler, beaucoup proposer de nouvelles idées pour pouvoir enfin arriver à un terrain d'entente. Et quand on y arrive, généralement, on ne regrette pas parce qu'on se dit c'est peut-être ça qui fait la magie du truc. Peut-être que ça serait moins... Peut-être qu'on ferait quelque chose qui nous plairait peut-être moins au final si on n'avait pas ces petits conflits justement en question. Ça me fait penser à une anecdote. Vous connaissez tous les Kinks, je suppose, avec les deux frangins Davis. Ouais. Et en fait, le plan, c'est qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes goûts. Il y en avait un qui voulait plus faire quelque chose de carton et l'autre qui était dans la mélodie. Et à chaque fois qu'il y en avait, c'était soit l'un soit l'autre qui amenait la base du morceau. Et par exemple, sur You Really Got Me, où le truc est vraiment la guitare, c'est vraiment un truc un peu rock, mais il a fait exprès son frangin de chanter comme si c'était les Beach Boys avec une voix très très douce. Et l'inverse, c'est-à-dire quand l'autre il arrivait avec des mélodies qui étaient très doucereuses, alors j'ai plus d'exemples en tête comme ça, bah son frangin faisait exprès de saccager le truc en mettant des riffs les plus syncopés possibles à la guitare. Et en gros, on peut se dire que c'est justement de ce mélange et des extrêmes que naissent des super bons morceaux, en fait. Ouais, complètement. C'est un art de saccager les pop songs comme ça. C'est ça qui fait le sel. Exactement. Thank you. Ouais, j'ai une autre question aussi. C'est quoi votre premier concert en tant que spectateur? Le truc qui vous a le plus marqué, vous vous êtes dit... Une grosse claque, tu veux dire? Ouais, pas le premier concert où tu allais avec tes parents et puis t'emmenais voir Michel Fugain. Non, le premier vrai concert qui met une grosse claquasse. Moi, c'était incontestablement, c'était Pennywise au Furia de Sergi Pontoise. C'est y a un moment, il y avait une grosse affiche, plein de groupes que j'aimais beaucoup à l'époque, comme Mylène Collin, Anti-Flag. Il y avait Guérilla Poubelle aussi. Il y avait une grosse affiche, mais vraiment, c'était pas mon groupe culte, et c'est pourtant le groupe qui m'a mis le plus la claque en live. C'est incontestablement Pennywise, quoi. C'était à la fois puissant, à la fois parfaitement en place, le set hyper bien calculé pour envoyer de l'adrénaline sur un court terme au final, parce qu'ils n'ont pas joué super longtemps, et ça a vraiment changé ma façon de voir un live, en tout cas. Beyond, though you weren't with us too long, life was the most precious thing we could lose. While you were here, the fun was never ending. Life a minute was only beginning. Jason Matthews, this one for you. Moi, si je peux me permettre, je vais en citer deux. Ouais, tu peux te permettre. Il y en a un qui est récent, enfin qui est plutôt récent. Ouais, parce que je peux pas. Il y en a pas un qui était spécialement meilleur que l'autre. Le premier, c'était les Cure à Marseille. Justement, on y revient toujours et encore. Et c'était en 2008 et ça a duré 3h, 3h10. Sans, il y avait eu 2-3 pauses, mais c'était ils allaient dans les loges prendre une bière, ils revenaient. C'était vraiment très court les pauses. Et c'était la voix était folle à ce moment-là. Il y avait Paul Thompson à la guitare qui était revenu. Il y avait plus de clavier, il y avait quelques samples, mais ça allait encore. Et c'était ultra puissant en fait. C'était il y avait de la violence, il y avait de l'émotion. C'était excellent. Un autre concert bien plus tard que j'ai vu, qui m'a beaucoup marqué, c'est Fishbone, que j'ai vu à Lille, un concert gratuit à l'université de médecine, je crois, à Villeneuve-d'Ascq. Et pour moi, il n'y a quasiment pas mieux en live que ce groupe-là, en fait. Hein. C'est de l'énergie, c'est la fête, c'est... Pareil, il y a un peu de nostalgie aussi, parfois. Il y a un peu de malsain dans leur ligne de saxo, de trompette, qui... Il y a des côtés un peu malsains, il y a un côté ultra festif, et pareil, ça a duré un petit moment, et c'était la folie de A à Z. Je connaissais pas ce groupe, en fait. Je connaissais, comme ça, on m'avait fait écouter vite fait, et c'est devenu vraiment un de mes groupes préférés, parce que c'est une valeur sûre en live, c'est une valeur sûre en studio, c'est pareil, on revient à ce genre de groupe qui est ultra varié, alors, mais vraiment ultra varié, et mais qui garde une cohérence, en fait. Donc voilà, deux concerts qui m'ont vraiment marqué, The Cure à Marseille 2008 et Fishbone 2014 à Lille, je crois, ou 2013, je sais plus trop. We'll be right back. c'était The Jim Jones Review au Secret Place de Montpellier. Je sais pas du tout en quelle année c'était, mais c'est vraiment le concert qui m'a fait sortir de... Bon, parce que j'avais vu AC/DC au Vélodrome et tout, c'était formidable. Et, mais c'est vraiment le concert qui m'a fait sortir de ces concerts gigantesques avec des milliers de personnes au même endroit et qui m'a vraiment fait venir dans les petites salles et voir qu'en fait les concerts dans les petites salles c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Ouais, j'ai dit mieux ce review, je suis retourné le voir quatre fois après, dont une fois avec David où il est devenu complètement sourd, le pauvre. Moi, des concerts qui m'ont mis une grosse claque, il y en a eu plusieurs. Déjà, il y a eu pas très loin d'ici, au Pointu Festival, l'année dernière. Un groupe que je connaissais pas du tout, que j'ai découvert, donc c'était vraiment super. C'était Ride. Ouais, pareil. C'est un groupe... J'ai été très pareil. C'est un groupe qui est affilié à la Britpop, mais c'est, pour moi, ça va beaucoup plus loin. Et voilà, j'étais super content de découvrir ce groupe. C'était vraiment un bon concert.

Et après, le meilleur concert de ma vie, je pense que c'est... Non. C'est, si, c'est David Gilmour dans les arènes de Nîmes qui... J'ai pas eu la chance de voir un concert de Pink Floyd, forcément, et donc du coup, entendre ces morceaux qui comptent beaucoup pour moi dans ce cadre-là, c'était une très bonne expérience. Ouais, donc du coup, tout à l'heure, on parlait de science-fiction dans les morceaux. Et ce serait quoi comme type de SF, comme type d'auteur qui vous anime, motive ? Moi, c'est qui m'inspire dans l'écriture, dans le songwriting, c'est plus des auteurs comme Philip K. Dick qui écrivent une science-fiction extrêmement psychiatrique, quoi. C'est des récits qui traitent de paranoïa, de dédoublement de personnalité, de crise d'identité, de faux semblants, de simulacres, etc. Et donc forcément, c'est énormément inspirant quand on essaie de faire des concept albums qui prennent en compte tous ces thèmes de science-fiction. Et c'est vrai que Philip K. Dick, c'est l'auteur rêvé pour les gens qui font du cinéma. Et je ne sais pas combien il y a de ses nouvelles ou de ses bouquins qui ont été adaptés, mais c'est hallucinant, en fait. Ah, c'est une référence, ouais, clairement. Ça et Harry Potter et la Chambre des Secrets. Exact, ouais, Harry Potter, ça nous inspire beaucoup. Les Teletubbies. Surtout les Teletubbies. Donc ça, c'est ça, je devrais pas le dire, mais c'est la drogue, ça. non, c'est vrai. Après, ouais, c'est pas. Il y a de la science-fiction, il y a une grosse part de science-fiction dans ce qu'on fait. Après, peut-être pas non plus tout. Pas tout le temps, hein. Il y a des sujets de la vie quotidienne aussi, des sujets un petit peu plus graveleux. Ça c'est arrivé dans certains de nos albums. On dit de vilains mots. Parfois, et pas de politisation, du coup, vous n'avez pas une conscience ou un truc comme ça? C'est pas le, pas tellement. C'est pas le genre de la maison. On a une conscience politique, je pense. Mais non, on ne parle pas de ça. Ouais. On essaie de tout insérer dans cet axe narratif qu'on s'est fixé. Et du coup, bon, bah, forcément, il y a des idées politiques qui peuvent arriver, mais elles sont jamais exprimées comme ça au premier degré. Si c'est des trucs à trouver plus derrière, de toute façon, enfin, voilà, c'est pas caché, mais c'est pas non plus explicite, quoi. Ouais, c'est pas du champ à texte, de l'engagement militant, quoi. Non. Il y a une chanson, la plus politique, c'est une chanson qui parle de la famille Le Pen, mais on la tourne complètement en dérision, c'est pas politique, on dit pas c'est pas bien, hein, mais on la tourne en dérision, c'est l'histoire de la famille Le Pen qui se retrouve dans une sorte de télé-réalité, en fait, en gros c'est ça, avec tout ce qui peut se passer à l'intérieur, donc voilà, c'est tourné en dérision, mais c'est pas un engagement politique qu'on a décidé de prendre, c'est une histoire rigolote comme ça, qu'on a inséré dans un album qui justement aborde des thèmes différents que les thèmes de l'espace, tout ça. Donc voilà, c'est une petite rigolade. Et les textes, ils sont en anglais, c'est bien ça? Ouais. Et c'est un choix... en gros, la question, c'est pourquoi en anglais plus qu'en français? Ou en serbo-croate? Vu votre amour immodéré pour l'Europe de l'Est... Alors moi, je vais être un petit peu old school en disant ça, mais d'un point de vue très personnel, j'avoue que je suis passionné par la langue française. Hein, mais pour ce qui concerne le chant, la musique, je trouve que l'anglais, c'est tellement plus facile et tellement plus... on peut directement exprimer quelque chose en anglais et vraiment lui mettre un vrai sens sans risquer de tomber dans des sonorités trop ringardes ou trop... c'est difficile, en fait. Ça dépend peut-être beaucoup du genre, ça dépend beaucoup de la chanson. Nous, on ne s'est pas retrouvés à composer des morceaux qui se prêtaient vraiment à des textes en français, je pense. Oui, après, au-delà du fait que l'anglais est une langue très rythmique, moi, en tout cas, pour ma part, je trouve que ça sert mieux notre propos. Moi, quand j'écris en anglais, je trouve... j'arrive vraiment à être... à porter une espèce de concision, c'est-à-dire à dire beaucoup de choses en peu de temps. Oui, c'est ça, c'est la magie de l'anglais. Et... En quelques phrases, on peut raconter une histoire, voire même plusieurs histoires qui se superposent, apporter plusieurs niveaux de lecture. Et en français, je sais pas, j'ai jamais essayé, mais ça me paraît plus compliqué. Moi, j'ai essayé, c'était l'enfer. J'ai vite renoncé. Ah, le problème de chanter en français quand t'es devant un public français, c'est qu'il comprend. Ouais. Et donc forcément, t'es obligé de... Voilà. Les gens comprennent tous, ils ne considèrent pas forcément le chant comme un instrument supplémentaire, donc ils écoutent les paroles, et c'est vrai que c'est quelque part plus risqué aussi. Oui, c'est plus risqué, et ouais, c'est vrai que c'est, perso, c'est un réflexe pour moi d'écrire en anglais, ça vient tout seul, mais c'est aussi que... Enfin, à une époque, j'écrivais en français et c'était très vite des trucs de punk de comptoir, en fait. Après, moi, j'adore les paroles révoltées, hein, y en a plein qui sont très cool. Mais c'était, ça tournait vite au cliché, en fait. Donc, j'ai préféré arrêter et voilà, faire un truc parfois tout aussi basique, mais moins ringard, comme il disait Florian. Ouais, l'anglais, c'est peut-être plus une langue de sous-entendu qui s'adapte à vraiment au genre qu'on essaie d'exploiter, quoi. C'est... le français, les sous-entendus, ils peuvent tomber à l'eau, ils peuvent être foireux, ils peuvent être mal compris aussi, mal interprétés. Alors qu'en anglais, tu peux te permettre de rester un peu métaphorique, de rester un peu... tu peux exprimer une idée, mais ça peut en sous-entendre une autre, sans que ce soit direct, sans que ce soit évident non plus. C'est... Et tant qu'on est dans les secrets de cuisine et la fabrication, j'ai une question sur le matériel que vous utilisez, en fait. Est-ce que pour vous, c'est le type de guitare, les effets, les amplis, ou la batterie, ou c'est quelque chose d'important ou pas? Ouais. Et si oui, donc sur quoi vous jouez? Ça dépend pour qui. Ouais, en ce qui me concerne, je suis pas extrêmement regardant sur le matériel, mais je fais attention quand même. Là, dernièrement, j'ai acheté un ampli fait main, un bon ampli, mais c'est pas ça qui fait tout le truc. Perso, j'essaye d'avoir vraiment très peu d'effets à mes pieds, donc une distorsion, un delay et une wah-wah, et je les dose quand même, la wah-wah, j'en mets pas souvent, pareil pour le delay. Et j'ai ma Fender Jaguar qui me suit partout, et bon là elle est un peu cassée, donc je la remplace de temps en temps, mais voilà, avoir le minimum de choses et après tout faire au jeu, à l'intensité dans le Mediator, et pour moi c'est ce qui compte le plus en fait. Si je dois me retrouver à un concert en galère, les pédales elles me lâchent, bah je me branche direct à l'ampli, je monte un peu le volume pour avoir un peu de grain, et puis c'est pas grave, ça fait chier sur le moment, mais c'est pas grave, c'est faisable quand même. Donc, c'est pas préjudiciable, quoi, du coup. Ouais, voilà. Et puis, par contre, cela dit, je passe quand même énormément d'heures au local à tester différents types de réglages, en fait. Je teste tout seul et en groupe, je passe énormément de temps là-dessus. Mais sinon, voilà, un réglage tout simple, ça peut le faire aussi. Voilà. Bah, les questions de matériel, de toute façon, c'est des trucs qu'on a été obligé des questions qu'on a été obligé de se poser quand on a enregistré en juillet, du coup. Mais c'est vrai que moi, personnellement, au niveau de la batterie, j'y connais rien et ça ne me dérange pas spécialement, quoi. Mais après, du coup, voilà, quand on arrive en studio et qu'on nous demande alors quelle caisse claire tu veux, elle est bleue. ça c'est pareil, ouais, c'est relatif à tes questions qu'on peut se poser d'un album à l'autre, parce que oui, moi par exemple, j'avoue que pour l'instant je joue avec une basse, avec un son brut, hein, j'ai pas d'effet sur j'utilise pas de pédale d'effet. Ça veut pas dire que dans un prochain enregistrement je vais pas céder et me dire bah tiens, ça serait quand même cool d'avoir un effet. Là, jusqu'à présent, j'ai jugé que c'était pas nécessaire parce que mes musiciens, ils sont suffisamment fournis en matière d'effets, je trouve, les guitaristes. Bah, on a pas des masses. Ils en ont pas des masses, mais je trouve j'en ai pas mal, quoi. Mais voilà, ils en ont pas mal quand même. Ce qui me semblait, que t'en avais pas mal. Ouais. ils en ont pas des masses, mais ils en ont pas mal, et je trouve que c'est personnellement que c'est largement suffisant. Moi, je me vois pas pour l'instant mettre une distorsion ou quelque chose d'autre sur la base. J'aime bien que le son soit pur, parce qu'il est brut, il s'infiltre un petit peu plus dans le mix, et j'aime bien ce côté aussi. Ça, c'est une manière de créer un petit décalage et en même temps un truc intéressant. Enfin, ça ne veut pas dire que ça ne changera pas, hein, que ça évoluera pas. Encore une fois, ça peut varier d'un album à l'autre. Et pour toi, alors, du coup, monsieur spécial effet? Moi, j'aime bien créer des ambiances sonores, donner de la texture au son. Et donc, oui, j'ai beaucoup. Enfin, j'ai plus d'effets que les autres. J'ai un flanger, j'ai un chorus, j'ai une reverb, tout ça. Ouais, ça permet d'apporter de la variété à la texture sonore. Donc, moi, je suis plutôt pour. Et tu joues sur quoi? C'est une Telecaster, non? Ouais, ma guitare de scène, c'est une Telecaster. Après, j'ai aussi une Strat. Mais les deux avec des micros simples bobinage, donc un son, ouais, clair, a priori. Donc, ce qui t'aide à avoir pour les effets après derrière, ouais. Ouais. We'll be right back. le prochain grand événement, si j'ai bien compris, c'est la sortie du disque. Ouais, la sortie du prochain album. C'est ça. Alors, c'est prévu pour quand, normalement ? Alors, on ne sait pas exactement encore. Là, c'est en cours de mixage. Ça avance plutôt vite parce que justement, Seb et Max aussi mettent vraiment tout leur cœur. On les salue d'ailleurs. Et oui, gros bisous. Et puis, après, on ne sait pas. Ça dépend combien de temps on prendra la pochette à faire. Mais à l'automne, dans l'idéal, octobre, novembre, ce serait vraiment l'idéal. Donc avec une petite fête, je suppose, et puis après des dates, même si c'est un peu trop tôt pour en parler, mais... Ouais, on va faire la teuf. Ouais, ça va se faire. On va faire ça. On enregistre deux albums juste pour faire la teuf à la sortie, c'est tout. Voilà. C'est bien. Moi, ici, c'est ce qu'il faut. Il y a à boire, il y a des filles, c'est cool. Ouais. Bon, il n'y a pas trop de filles, c'est un temps. Il y a à boire. Des hommes. C'est bien aussi. Plein d'hommes, un peu de filles. Donc du coup, vous avez plein de potes dans les groupes du coin, donc... Vous allez parler de qui, là ? Bah, du coup, on a évidemment les Spitters, qui sont sur le label Death to Majors, comme nous. On est corporate, donc on parle du label d'abord. Ouais. On a les Spitters qui sont nos grands petits frères. Et on les kiffe, hein, on le cache pas. Hein. On les aime beaucoup. On aime beaucoup ce qu'ils font. C'est des bons potes. Ils sont un peu cons. Mais, mais ça leur va bien. Il y a aussi Merbet Flavor, bon, ils sont pas sur le label, mais ils répètent à côté de nous, on répète quasiment les mêmes jours, on se les coltine à longueur de semaine. mais bon, c'est un très bon groupe qui joue beaucoup sur les ambiances et tout, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Il y a peut-être des petits points communs par-ci par-là, mais c'est pas du tout la même démarche. C'est génial. C'est-à-dire, ça ressemble à quoi ? Moi, je compare souvent ça à des groupes comme Mogwai, un groupe pareil que j'adore et que j'ai vu en concert qui est énorme. Voilà, ce genre de groupe-là. Après, eux, ils ont plus de connaissances dans ce qu'ils font, justement. Mais même des groupes comme Godspeed You, Black Emperor ou des groupes comme ça, en fait. Et après, je pense qu'ils ont plein d'influences aussi. Hein. Ça va dans du Pink Floyd aussi. Avec eux, il y avait Gauthier aussi qui était dans Gang of People. Dans ce groupe-là, et il est arrivé il y a pas longtemps, et du coup, là, ça bouge, il commence à faire des concerts, il joue bientôt, là, ils vont faire quelques concerts. Et ouais, faut aller les voir, parce que c'est vraiment excellent. Ouais, ça prend forme, et c'est vraiment cool. Et on peut les écouter aussi sur le net ? Ils ont une page Bandcamp ou un bazar comme ça ? Ils ont une vidéo sur YouTube. Ouais, ils ont une vidéo, pour l'instant, il n'y a qu'un morceau, qui vaut le détour. Et qui a été diffusé sur Radioactive. Qui est diffusé. D'ailleurs, oui, sur. Mais on est à la pointe, hein. Il y a les professionnels et les autres. Hein. C'est ça. Vous y avez pensé, donc c'est. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Lift off. Donc voilà, c'est comme ça que s'achève cette émission avec Bender, comme il vous le disait à l'instant. Nouvel album en vue, sortie, concert, mais on aura l'occasion largement d'en reparler. On les remercie, on leur fait un petit coucou. La bise, hein. Des petits bisous et tout ça. On est bien contents. Et puis bon, on les retrouvera dans d'autres émissions, on vous tiendra au courant. Et maintenant, il est très tard, il est l'heure d'aller se coucher. Et bonne nuit, bon début de semaine et à bientôt. Well, I'm standing in the rain. Never fly on the moon. never get to stay in the plantation spot. Humans told us you can find us, you can shoot us, you can lift us, but the salt will never rise again. Bref, un accord bon pour tous les deux. C'est pour ça que Don Raffaele avait tant insisté avec ma belle-mère. I'm sorry. Paulino m'a personnellement appelé dedans le portable d'un numéro crypté. Viens ici, Don Raphaël et veut te voir. Tout de suite, magne-toi. Je n'ai même pas eu le temps de répondre qu'il avait déjà raccroché. Et moi, j'étais à Afragola chez l'avocat d'Angelo, qui avait fait des siennes et comment je faisais. Ben, il faut que je m'en aille, criai-je seulement et je laissais Angelo dans le cabinet de l'avocat. Oh, certes, quand on est jeune, à l'âge que j'avais dans mes promenades du côté de mes églises, notre désir, notre croyance confère aux vêtements d'une femme une particularité individuelle, une irréductible essence. On poursuit la réalité. Mais à force de la laisser échapper, on finit par remarquer qu'à travers toutes ces vaines tentatives où on a trouvé le néant, quelque chose de solide subsiste, c'est ce qu'on cherchait.